Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les British Home Children, ces petits immigrants britanniques envoyés au Canada au 19e et 20e siècle. Les British Home Children, c'est une histoire méconnue. Mon grand-père en était un. En était un, c'est ça? Mon grand-père, lui, était orphelin. Et il a été à la garde d'Ottawa deux jours avant d'être choisi par une famille de Saint-Benoît-du-Lac, les Deux-Montagnes, les Leduc. Une bonne famille. Mais la plupart, ça n'a pas été ça. Et c'était pas que des orphelins. C'était des fois des familles pauvres ou une femme monoparentale. Et on prenait l'enfant puis on l'envoyait. La femme faisait les ménages, les enfants étaient placés en fin de semaine, pour la semaine. Et elle arrivait des fois la fin de semaine, puis là, on lui disait, ben on a envoyé trois de tes filles en Australie, tes gars sont au Canada, bonjour. L'ex-chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, à l'émission RDI Matin en septembre 2017. Gilles Duceppe fait partie de ceux qui se battent depuis quelques années pour que les autorités gouvernementales reconnaissent le tort qu'ont subi ces petits immigrants britanniques envoyés au Canada au 19e et au 20e siècle. On estime qu'environ 100 000 de ces enfants auraient été envoyés au Canada entre 1869 et 1939. Les descendants des British Home Children représenteraient plus de 10 % de la population canadienne. Souvent, oui. Ces enfants étaient issus de familles, bon, parfois des orphelins, parfois oui, parfois, mais pas oui. Toujours. Non. Parfois, il restait la mère ou le père incapable de s'occuper des enfants. La pauvreté est à peu près toujours là, dans tous oui. les cas, oui. ça c'est oui. sûr. Oui. Mais là, on allait, et là c'est le gouvernement britannique avec sa politique, on mentait aux gens. On leur disait parfois, votre enfant est mort. Il était dans tel refuge, il est mort. Dans bien des cas, c'était le cas qu'on mentait ou on retenait la vérité puis on envoyait les enfants sans dire tout de suite aux parents ouais. ou à la mère. Ou... dans d'autres cas, les parents étaient un peu au courant et ils n'étaient pas vraiment pas en mesure de s'occuper ouais. de leurs enfants. Et ils acceptaient le discours qu'on leur donnait que votre fille, votre fils est parti pour un pays neuf, merveilleux, meilleur, la vie sera belle, oui, etc. Oui, oui, oui, c'est ça. Et quand on est désespéré, ben, on achète à peu près n'importe quel discours, effectivement. Effectivement, oui, c'est ça. Mais c'est vrai que ce mouvement-là, là, on parle de déportation, c'est vrai que c'était de la déportation. C'était comme ça commençait avec des bonnes intentions, avec les personnes, les individus bien intentionnés, des organisations philanthropiques associées à des églises. Mm-hmm. Le système des services sociaux au Royaume-Uni était plus en mesure vraiment de s'occuper de tous les enfants-là. Donc, c'est pour ça qu'il y avait cette idée de la porte de sortie, c'était le Canada et les autres colonies. Et c'est bien sûr, la plupart des enfants sont arrivés au Canada. La secrétaire du British Home Child Group International, Carolyn Perks, au micro de Michel Desautels en février 2016, pour nous raconter cette page d'histoire un peu oubliée, qui est celle des British Home Children. Je reçois Harold Bérubé, qui est professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Harold Bérubé, bonjour. Bonjour. C'est vrai, Harold Bérubé, que l'histoire de ces home children, ces petits immigrants britanniques, est encore assez peu connue chez nous. Pourtant, c'est un phénomène important. Pourquoi? Oui, c'est une très bonne question. Du côté du Canada, disons, francophone, je pense qu'on ne connaît pas très bien l'épisode parce qu'on l'associe plutôt à l'histoire peut-être là, du Canada anglais. Donc, ce sont des enfants britanniques qui se sont surtout retrouvés du côté canadien-anglais. Mais même du côté du Canada anglophone, c'est pas un épisode qui est si bien connu que ça. Différentes explications, là. C'est pour là un épisode qui est éclipsé par d'autres aspects de l'histoire de l'immigration au Canada qui touche les discriminations, par exemple, aux immigrants asiatiques ou des choses comme ça. Au contraire, les home children, on pourrait pratiquement les décrire comme une minorité invisible oui. hein, au Canada. Ils se sont fondus dans la population d'origine britannique et ils sont disparus à la fois visuellement et sur le plan mémoriel. Et pourtant, c'est un phénomène qui a été important. Quelle importance, de fait, quelle ampleur a eu ce phénomène qui s'est étendu sur un peu plus d'un siècle, quand on y pense? Ah oui, absolument. L'ampleur est très importante. C'est un programme, le programme dont on va parler aujourd'hui, le Child Migration Scheme, qui va donc de la fin des années 60 jusqu'aux années 30 et même un peu au-delà. C'est un programme où il y a un peu d'incertitude sur les chiffres, mais on sait qu'il a probablement touché plus de 150 000 enfants au total et au moins 80 000 à 100 000 là, de ces enfants se sont retrouvés donc au Canada. Donc, on parle de la majorité des enfants qui se sont retrouvés ici. Les autres étaient envoyés dans d'autres dominions, donc de l'Empire britannique. l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Ce qui explique un peu la, disons, la popularité entre guillemets du Canada, c'est vraiment une question de proximité géographique jusqu'à un certain point, puis également c'est lié en partie aux importants besoins de main-d'œuvre qu'on retrouvait au Canada à l'époque et qui justifiaient en quelque sorte le recrutement, si on veut, de ces enfants-là. Oui. Parlons un petit peu du contexte qui va conduire à ce phénomène de l'envoi au Canada d'autant de petits immigrants britanniques. Qu'est-ce qui explique qu'on ait décidé à un moment donné, Harold Bérubé, d'envoyer des milliers d'enfants au Canada, mais dans différentes colonies britanniques? Oui, écoutez, il faut dire, si on remonte vraiment là, aux origines du phénomène, on remonte quand même assez loin. Dès 1618, on a des traces comme ça d'enfants de rue qui sont envoyés, notamment dans la colonie de la Virginie, pour pallier au manque de main-d'œuvre, donc dans les colonies britanniques d'Amérique du Nord. C'est une pratique donc qui va se poursuivre et s'étendre à d'autres colonies jusqu'en 1757. Cette année-là, il y a un procès quand même assez controversé là, qui implique un marchand d'Aberdeen impliqué dans cette pratique-là, qui la met à jour en quelque sorte, et qui crée un scandale. Donc, on va y mettre fin pendant un certain temps, mais dès les années 1830, la pratique va reprendre. Alors, pourquoi? Bien, d'une part, évidemment, le besoin de main-d'œuvre dans les colonies se maintient, existe toujours, mais ici, c'est vraiment les ambitions du réformisme social qui sont en cause. Hein, on en parlait tout à l'heure dans l'extrait que tout ça, cet enfer était pavé de bonnes intentions. Oui. C'est un peu le cas ici. Et donc, la Grande-Bretagne, c'est le premier pays où il y a une accélération de l'urbanisation dans le cadre de la Révolution industrielle. Donc, les villes commencent à grossir, notamment la capitale, mais aussi des villes comme Manchester, comme Liverpool. Et ça crée une série là, de problèmes sociaux auxquels là, des membres des élites veulent s'attaquer. Et un des problèmes qui préoccupe beaucoup les élites britanniques à l'époque, c'est celui des enfants. Les enfants des quartiers populaires dans les villes industrielles, on s'inquiète de leur pauvreté, on s'inquiète de leur manque d'éducation, du fait qu'ils sont exploités en usine, de la délinquance juvénile qu'on associe à ce groupe-là. Donc, il y a une série de mouvements d'enquêtes qui sont mises en place à l'époque. Un exemple parmi tant d'autres, il y a ce policier du nom de Robert Chambers qu'on cite souvent à propos des Home Children. Il est interrogé en comité, donc au Parlement en 1826, et sa conclusion, c'est que Londres a trop d'enfants. Il y a trop d'enfants à Londres, et il est un de ceux qui propose pourquoi ne pas envoyer ce surplus vers les colonies. Et on va entendre sa voix et celle d'autres acteurs là, du même type. En 1830, on crée la Children's Friends Society. C'est une organisation privée qui se donne comme but, comme ça, de sauver sauver, entre guillemets, là, ses enfants, les envoyant des colonies de l'Empire. Et dès 1832-1833, les premiers groupes vont quitter la Grande-Bretagne vers l'Australie, l'Afrique du Sud et le Canada. Ce qui fait qu'il y a tout un réseau qui va bientôt se mettre en place autour de ce système d'envoi des petits immigrants britanniques dans les colonies du Commonwealth. Qui s'occupe de ces enfants-là? Comment ça fonctionne, ce réseau-là? Oui, bien, il faut dire que le phénomène que je viens de vous décrire, il va demeurer relativement marginal jusque dans les années 1860. C'est vraiment à partir des années 1860 que ce phénomène-là prend de l'ampleur, hein, devient beaucoup plus important, à la fois parce que les villes grandissent, les problèmes liés à l'enfance s'accentuent, mais surtout les réformistes, elles sont de plus en plus actifs pour lutter contre cette problématique-là. Dans le cas des Home Children, une actrice vraiment centrale est la réformiste écossaise Annie Macpherson. Elle va être scandalisée notamment par les conditions de travail dans les fabriques d'allumettes, hein, un endroit où on emploie beaucoup, beaucoup d'enfants dans des conditions extrêmement précaires et dangereuses, et qu'elle va comparer donc à de l'esclavage. Et Macpherson et donc ses alliés vont mettre sur pied ce qu'on appelait à l'époque des House of Industry, des maisons de travail, hein, où les enfants sont sauvés, encore une fois, en quelque sorte, des fabriques d'allumettes. On les nourrit, on les éduque jusqu'à un certain point. On les fait travailler également, il faut le dire, c'est dans le nom, dans des conditions qui sont meilleures que dans les fabriques d'allumettes, mais l'idée vraiment qu'en les faisant travailler, hein, on forme leur caractère. Et Macpherson va être une des premières à trouver que les House of Industry ont un impact limité et qu'une meilleure solution serait d'envoyer ces enfants-là dans les colonies, hein, un environnement qu'elle considère comme plus sain. Hein, elle espère les envoyer notamment dans des fermes et les faire travailler là jusqu'à l'âge de 18 ans où ils deviendraient libres, évidemment, de recommencer leur vie dans un autre contexte. Donc, ce projet-là a beaucoup de succès. Oui. Macpherson réussit à associer une cinquantaine d'organisations incluant l'Armée du Salut à cette initiative-là, et elle obtient éventuellement la collaboration du gouvernement britannique. Oui. Et qui sont ces enfants, Harold Bérubé, ces enfants immigrants qui vont se retrouver au Canada ou ailleurs dans l'Empire britannique? Oui, donc ils sont généralement quand même assez jeunes. Hein. On parle d'un groupe surtout composé de jeunes de 9 à 14 ans, mais on a beaucoup de cas bien documentés d'enfants là, aussi jeunes que 3, 4, 5 ans. Ce sont des enfants qui sont issus des quartiers les plus pauvres des grandes villes industrielles britanniques, notamment du East End de Londres, mais pas seulement. Puis, comme on le disait tout à l'heure, ces enfants-là sont envoyés seuls vers les colonies, ne sont pas accompagnés d'un parent. Et c'est vraiment un des côtés vraiment sombres du programme des Home Children. Hein, c'est le fait que dans la documentation que les promoteurs font circuler, hein, on les présente généralement comme des orphelins qu'on sauve de la misère et tout ça, mais on sait qu'à peu près le 2/3 d'entre eux ont encore un parent vivant lorsqu'ils sont expédiés donc dans au quatre coins de l'Empire. Oui, quand même, c'est beaucoup. Et effectivement, dans certains cas, ce sont des enfants qui sont quand même abandonnés par ceux ou ses parents, mais effectivement, dans certains cas, hein, on les ramasse dans des institutions sans avertir les parents. On va même expliquer parfois aux enfants que leurs parents sont morts, donc qu'ils doivent oublier tout ça. Donc, il y a effectivement là, des histoires d'horreur à ce niveau-là pour ce qui est de la gestion du programme. Et qu'est-ce qu'on promet à ces enfants-là? Bon, on leur promet une vie meilleure hein, dans les colonies. On leur fait briller un peu ce qu'ils vont trouver là-bas. Hein, une maison, une famille accueillante, de l'air frais, de la nourriture en abondance également. Donc, c'est vraiment un peu ce qu'on leur vend. On va parfois les institutionnaliser pendant un certain temps en Grande-Bretagne, notamment dans ces maisons de travail, mais on va les envoyer assez rapidement dans les colonies. Et une des destinations privilégiées, c'est le Dominion of Canada. Donc, vous nous avez parlé de ce rêve qu'on leur fait miroiter dans les fêtes. Quand ils arrivent au Canada, où se retrouvent ces enfants? Oui, bien écoutez, ils se retrouvent dans un réseau que Macpherson et ses associés ont quand même fait un travail de terrain, donc dans les différentes colonies où ils envoient les enfants. Si on parle du Canada, donc ils ont vu à l'ouverture d'un certain nombre, et écoutez, on les appelle des distributing homes, ça sonne un peu comme centre de distribution, ce qui est vraiment terrible avec le recul. Donc on va créer les premières maisons de distribution comme ça à Knowlton, à Belleville, à Galt, au Québec et en Ontario, mais rapidement le réseau va s'étendre. Lorsque les enfants arrivent au Canada, donc ils sont comme ça distribués dans les différents centres. Et à ce moment-là, on va littéralement publiciser l'arrivée de ces enfants dans les journaux. Hein, on annonce donc un nouveau groupe d'enfants est arrivé. Et à ce moment-là, les gens qui sont intéressés à recruter, adopter ces enfants-là pour les faire travailler chez eux, donc vont se présenter et comme ça, leur recruter des enfants. Ils se retrouvent essentiellement dans deux milieux. La majorité d'entre eux vont se retrouver en contexte agricole, donc dans des fermes du Canada central, surtout en Ontario, mais aussi beaucoup, beaucoup dans l'ouest du pays, où les grandes fermes céréalières ont des problèmes là, récurrents de main-d'œuvre. Le modèle familial ne suffit plus, en quelque sorte, là, à exploiter ces grandes fermes-là. Mais on les retrouve également en milieu urbain, comme domestiques. Ils sont quand même recrutés en assez bon nombre, donc, de ce côté-là. Ouais. Donc, beaucoup en Ontario, nous disiez-vous, beaucoup dans l'ouest du pays. Est-ce qu'il y en aura et beaucoup au Québec, par exemple? Oui, c'est une bonne question. On les retrouve donc beaucoup en Ontario, dans l'Ouest, et c'est pas étonnant. C'est là que les besoins en main-d'œuvre sont peut-être les plus importants, mais aussi, et c'est une dimension qu'il faut garder en tête, hein, ce sont des régions du pays où ces enfants-là vont se retrouver dans leur langue maternelle, qui est l'anglais, et la majorité sont protestants, donc on ne veut pas les envoyer dans des foyers catholiques. Donc, on va en envoyer assez peu au Québec. Ça veut pas dire qu'on n'en envoie pas. Il y a deux maisons de distribution qui existent au Québec, dans les cantons de l'Est, évidemment, les deux. Donc, la première est la Knowlton Distributing Home, qui va là, comme ça faire transiter presque 5000 enfants de 1872 et 1912. Et l'autre est à Sherbrooke, donc Gibbs Home, qui va faire de même là, entre 1886 et 1939 pour 2064 enfants. Oui. Donc on parle là, autour de 7000 home children comme ça qui se retrouvent au Québec. Bon, à quoi ressemble très concrètement la vie de ces enfants quand ils débarquent chez nous? Je vous propose d'écouter les témoignages de Jane McLeod Donald nous raconter l'histoire de son père qui est arrivé au Canada à l'âge de 3 ans, mais on écoute d'abord Alex McKay nous parler de sa mère qui est-elle arrivée au pays à l'âge de 11 ans. She was placed in an orphanage. Vers l'âge de 9 ans, elle a été placée à l'orphelinat. 2 ans après, ils l'ont envoyée au Canada toute seule. Elle est venue avec tout un autre groupe d'enfants. À Halifax, ils les ont mis dans le train en direction du Cap-Breton. Ils déposaient les enfants les uns après les autres. Durant le parcours, ils séparaient frères et sœurs. Elle a été la dernière à quitter le train. À Inverness, un vieux monsieur est venu la chercher avec cheval et carriole. Il l'a conduit 30 000 plus loin. Ça a été très traumatisant pour elle. Je ne sais pas comment elle a fait. Quelqu'un de 11 ans. Mais elle a eu une bonne famille. Ils l'ont envoyée à l'église, à l'école. Elle a été parmi les chanceux, sauf pour la solitude. At 3 years of age, he had a 14-day voyage across. À l'âge de 3 ans, il a fait un voyage de 2 semaines à travers l'océan. Je ne sais pas s'il y a eu une adoption légale. Ce qu'on a fait, c'est lui enlever son nom et toute information qui lui aurait permis de retracer ses racines. Il a eu une vie très difficile. Les gens âgés qui l'ont pris en charge sont morts, et ce sont les filles de la famille qui s'en ont occupées. À 13 ans, elles l'ont envoyé travailler sur les trains de céréales à travers le pays. Il a travaillé sur les fermes de l'île du Prince-Édouard avant de s'établir à Sydney, où il a marié ma mère. Mon père avait toujours un sentiment de tristesse, quelque chose dont il devait avoir honte sans savoir ce que c'était, parce qu'il n'avait aucun moyen de savoir ce qui lui était arrivé. Deux témoignages de descendants de British Home Children recueillis par la journaliste Annette Bolduc pour l'émission Sans frontières en 2002. À quoi ressemble donc la vie de ces petits immigrants britanniques au Canada une fois qu'ils sont ici, Harold Bérubin? Oui, ben on peut dire que globalement, elle ne ressemble pas du tout à ce qu'on leur avait promis. On sait que dans plusieurs cas, l'expérience n'est pas nécessairement... ce n'est pas Aurore l'enfant martyr. On n'est pas dans des cas terribles. Mais ce qu'on sait, c'est que dans la majorité des cas, donc ces enfants-là ne sont pas adoptés formellement par leur famille. Oui. Ils sont traités et considérés comme des travailleurs sous contrat jusqu'à 18 ans. Mais quand même, on sait que la fréquence est très élevée là, de milieux où ils sont relativement maltraités, certainement exploités. Qu'il s'agisse de mauvaises conditions de travail, d'abus physiques ou sexuels, et ils sont généralement assez mal éduqués, et on s'occupe assez mal d'eux. D'ailleurs, on sait qu'ils sont nombreux à fuguer de certaines de ces fermes, à chercher refuge en milieu urbain ou au sein d'une autre famille. Ouais. Il faut dire globalement que c'est un des problèmes du programme. Il n'y a aucun suivi qui est fait après l'adoption, donc à la fois par ceux qui administrent le programme ou par les gouvernements qui sont concernés. Ouais. Et assez vite, de fait, il y a des critiques qui vont se faire entendre autour de ce programme d'immigration des enfants britanniques au Canada. En 1924, il y a comme un point tournant dans l'histoire du programme. Qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement, les critiques se font entendre. En fait, dès les années 1870, on critique le programme. Mais effectivement, dans les années 20, les choses le connaissent un certain tournant. Au Canada, en tant que tel, des critiques de plus en plus importantes se font entendre, notamment par Charlotte Whitton, qui est directrice du Canadian Welfare Council, également par James Woodworth, là, qui est un député quand même assez influent du CCF, donc qui critique ce programme-là qu'on qualifie d'inhumain. Et en Grande-Bretagne, donc, on met sur pied une commission d'enquête, la commission Bonfield, qui va venir notamment faire enquête au Canada. Et qui va recommander notamment de mettre fin là, à ce programme, en tout cas pour ce qui est des enfants de moins de 14 ans. Donc, on va commencer là, à critiquer et à ajuster le programme jusqu'à un certain point. Ouais. Et au Canada, le programme des Home Children prend fin dans les années 30. Pourquoi à ce moment-là? Il y a un lien avec la crise, j'imagine? Oui, exact. Il y a quelque chose d'un peu triste et tragique là, dans le fait qu'aucune des critiques qu'on vient d'évoquer va vraiment être décisive pour mettre fin au programme. Ce sont les difficultés économiques liées à la crise qui vont lui mettre fin. Donc, une combinaison des coûts qu'il occasionnait, de la fin de l'immigration dans le cadre de la crise, de pression là, qui viennent des syndicats, notamment au Canada, donc qui vont finir par avoir raison de ce programme-là, qui va quand même se poursuivre sous une forme ou une autre jusqu'en 1948. Oui. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces petits immigrants britanniques, avec le temps? On l'a dit au tout début de l'émission, c'est quand même, quoi, 10 % de la population canadienne qui descendrait de ces enfants-là. Donc, c'est quand même un nombre considérable. Qu'est-ce qu'ils deviennent au fil du temps? Oui, ils sont très nombreux. Effectivement, si on veut seulement comparer là, un peu au flux de migration de l'époque, les Ukrainiens, qui sont quand même une importante communauté immigrante au Canada, hein, durant la même période, ils sont à peu près 170 000 à immigrer. Donc, si on prend juste les Home Children, c'est un groupe énorme en termes d'immigration au pays à l'époque. Donc, c'est ça. Comme je le disais, ils ne représentent pas vraiment une minorité visible de quelque manière que ce soit au pays. Ceci étant dit, ils sont pour la plupart demeurés au Canada. Donc, une fois qu'ils ont atteint les 18 ans et qu'ils ont été en quelque sorte libérés de leur contrat, ils disparaissent un peu dans l'histoire et la mémoire, mais ceux qui ont essayé de les retracer aujourd'hui, on les retrouve un peu partout dans la société. Ils ont notamment été nombreux à servir dans les forces armées canadiennes durant les deux guerres mondiales. Et effectivement, on sort ce chiffre de 10 % des Canadiens qui descendraient d'entre eux. J'avoue que ça me semble assez près de la réalité. Là, comme je vous dis, ils sont vraiment très nombreux quand on les compare à d'autres groupes d'immigrants de l'époque. Là, ils forment vraiment un bloc assez important. J'ai pas de misère à croire qu'ils ont ce poids-là dans la société canadienne. Ouais. Je le disais au tout début de l'émission, puis on l'entendait d'ailleurs, l'ex-député chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, fait partie de ceux qui se battent depuis quelques années pour que les gouvernements reconnaissent leur tort dans cette histoire des British Home Children. En En 2010, le premier ministre britannique Gordon Brown s'est, lui, officiellement excusé au nom du gouvernement britannique auprès des descendants de ces petits immigrants britanniques envoyés aux quatre coins du Commonwealth. Mr. Speaker, when I was first made aware of this wholly unacceptable practice, I wrote to the Prime Minister of Australia. Monsieur le Président, lorsque l'on m'a avisé de ces façons de faire totalement inacceptables, j'ai écrit au premier ministre australien pour lui demander sa collaboration immédiate en ce qui a trait à la reconnaissance des souffrances vécues par les enfants migrants. To urge that together we do more to acknowledge the experiences of former child migrants and see what together we could achieve. So it's right that today we recognize the human cost associated with this shameful episode of history. Il est important aujourd'hui d'admettre le coût humain associé à cet épisode honteux de l'histoire. Bientôt, je rencontrerai ici, au palais de Westminster, d'anciens enfants migrants afin d'écouter leur histoire. Et en tant que premier ministre, je m'excuserai au nom de notre nation. Monsieur le Président, à tous ces enfants migrants et à leurs familles, à ceux qui sont ici avec nous aujourd'hui et à ceux du monde entier, je leur présente nos excuses. Ces enfants ont été abandonnés. Nous sommes désolés qu'ils aient été exilés au moment où ils étaient le plus vulnérables. Nous sommes désolés que ce pays leur ait tourné le dos plutôt que de les aider. We are sorry they were allowed to be sent away at the time they were most vulnerable. We are sorry that instead of caring for them, this country turned its back. Alors, où en sont aujourd'hui, Harold Bérubé, les gouvernements britanniques et des pays du Commonwealth, Canada inclus, par rapport à cette page d'histoire plutôt trouble des Home Children? Oui, ça prend un certain temps pour qu'on commence à jeter un peu de lumière sur cet épisode-là. C'est en Australie, en fait, qu'on a commencé à raviver un peu le souvenir de ce programme-là dans les années 80. Et donc, effectivement, il faut attendre le 2009-2010 pour que les premiers ministres de l'Australie, de la Grande-Bretagne, présentent leurs excuses, reconnaissent en quelque sorte là, l'épisode et le coût énorme le pays par les enfants qui en ont été victimes. Le Canada fait un peu malheureusement bande à part à ce niveau-là. En 2010, on va apostropher le ministre conservateur de l'immigration, Jason Kenney, ce sujet-là, de manière un peu honteuse, il va dire qu'il refuse de présenter de telles excuses parce que l'affaire n'intéresse pas le grand public, là, je le cite textuellement. Il va se contenter là, de nommer, en fait, une année des Home Children et offrir un timbre commémoratif là, à la place, donc, des excuses du gouvernement. Et effectivement, en 2017, là, Gilles Duceppe est revenu à la charge, appuyé par d'autres partis pour remettre de l'avant l'idée, donc, d'une présentation de telles excuses. Ceci dit, il y a quand même des choses qui ont été faites. Bibliothèque et Archives Canada a mis en ligne et a mis en valeur là, une partie importante de la documentation dont elle dispose sur cet épisode-là. Donc, on a des listes de passagers, par exemple, des rapports d'inspection de la Direction canadienne de l'immigration sur certains des centres de distribution dont je vous parlais. Oui. Et l'Ontario a fait du 28 septembre là, sa journée annuelle consacrée à la mémoire des Home Children. Et en Grande-Bretagne, il faut le dire, donc depuis 2000, on a mis sur pied là, un registre public des Home Children qui essaie justement là, de documenter, de retrouver ces enfants et de faire un registre donc assez fiable de la liste qui contient là, maintenant plus de 60 000 noms. Donc, ça contribue à jeter un peu de visibilité sur ces oubliés là, de l'histoire et surtout de la mémoire. Harold Bérubé, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke, ami de l'émission. Merci beaucoup, Harold. Ça me fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.